contre les crimes anti-humains des autorités sud-coréennes à l'encontre des citoyens coréennes, l'association d'amitié Égypte-Corée et Bernardo Katotu, secrétaire international de l'organisation de la jeunesse du mouvement de libération populaire d'Angola, ont publié les 18 et 19 les déclarations et entretiens.